Chapitre 11e. Le docteur monta à cheval et retourna à Grishamsbury. Mais à vrai dire, il savait à peine où il allait et ce qu'il faisait. Sir Roger avait dit que le cheval paierait pour le temps perdu. Mais jamais la pauvre bête n'avait été plus libre de modérer ou de presser le pas à son gré, tant les pensées de son maître voyageaient ailleurs. Et d'abord, cette éventualité qu'il avait placée devant le baronnet comme peu probable, celle d'une mort prochaine pour le père et le fils, lui semblait à lui chose tout à fait probable. « Il y a 10 chances contre une que cette clause sera inutile, » avait-il dit, « soit pour donner le change à une foule de réflexions, soit par un sentiment de pitié pour le père et le fils. » Mais maintenant qu'il y réfléchissait, toutes les chances, au contraire, lui paraissaient de l'autre côté, car il était probable que ces deux hommes seraient morts avant 4 ans. L'un, né fort et vigoureux, aurait pu vivre encore bien des années, mais il convenait lui-même qu'il n'avait pas le courage de se priver de ce qui devait infailliblement le tuer. L'autre, faible et chétive créature, dénuée de toute force physique, s'abandonnait déjà au même vice que son père et se suicidait comme lui par la boisson. Et si ces deux hommes venaient à mourir avant l'époque fixée par la clause du testament? Si le docteur était appelé à faire exécuter cette clause, quelle ligne de conduite serait-il tenu de suivre? L'aîné des enfants de la sœur de Sir Roger était sa nièce à lui, son enfant d'adoption, la joie de son foyer, sa mairie en un mot. Son premier devoir sur la terre, après ce qu'il devait à Dieu et à sa conscience, était de veiller sur cet enfant. Que lui imposait donc ce devoir en pareille circonstance? Si Sir Roger ne lui eût pas fait part de cette clause de son testament, il lui aurait semblé à lui, dans le cas où l'exécution en fût devenue nécessaire, que Mary aurait dû hériter. La loi d'ailleurs en aurait décidé, mais ici le cas était bien différent. L'homme riche s'était ouvert à lui, et c'eût été un abus de confiance, un acte profondément déloyal envers Sir Roger et surtout envers cette famille américaine dont le père s'était si noblement conduit, de permettre à Sir Roger de laisser un testament par lequel sa fortune passerait à une autre personne que celle qu'il aurait eu l'intention de désigner. Le docteur avait déjà pris une décision à cet égard avant de quitter le lit du malade. Cela ne lui avait pas été difficile. Mais il s'agissait d'éviter cet acte déloyal sans nuire à sa nièce, sans s'attirer à lui des chagrins, et cela n'était pas chose facile. Puis d'autres pensées se succédèrent dans son esprit. Il avait toujours professé le plus profond mépris pour les richesses et avait inculqué ses idées à Mary, idées qu'il leur eût été difficile de mettre en pratique si l'occasion s'en était présentée et à plus forte raison si l'un d'eux eût été appelé à prendre en main les intérêts de l'autre. Telle était, pour le moment, la position de l'oncle. Devait-il, dans cette conjoncture, rejeter la chance de fortune qui s'offrirait pour sa nièce, si Sir Roger était amené à la reconnaître pour héritière? Mais dans ce cas-là, Sir Roger voudrait l'avoir à Boxall Hill, pour vivre avec lui et avec sa femme. Tout l'argent de la Banque d'Angleterre ne la dédommagerait pas d'un pareil malheur, se dit le docteur en rentrant chez lui. Cependant, il était bien décidé à se rendre dès le lendemain matin à Boxall Hill et à dire toute la vérité à Scatcherd. Quoi qu'il pût en résulter, la vérité était toujours la meilleure route à suivre. Ce fut donc avec une légère lueur de consolation qu'il entra dans le salon où il trouva sa nièce et Miss Patience Auriel. « Mary et moi, nous ne sommes querellés, » dit Patience. « Elle prétend que le médecin est l'homme le plus important du village, et moi je dis que c'est le ministre. » « Je dis seulement que c'est celui dont les services sont le plus souvent mis en réquisition, » dit Mary. « Voilà encore un affreux message qui vous appelle à Silverbridge, mon oncle. Le docteur Century ne pourrait-il se passer de vous pour guérir ces malades ?» Mary dit, continua Patience, que si un pasteur s'absentait pendant 1 mois, personne ne souffrirait de son absence, mais qu'un médecin est si précieux que ses minutes même sont comptées. « Celles de mon oncle le sont. On ne lui laisse pas le temps de manger. » « Monsieur Auriel n'est jamais mandé à Silverbridge. »« Nous, nous savons mieux arranger nos affaires de paroisse. Nous n'admettons pas de passeurs étrangers parmi notre troupeau. Nos ouailles sont obligées de se contenter des médicaments spirituels que nous leur administrons, qu'elles les aiment ou non. Vous voyez que, sous ce rapport, nous sommes plus heureux que vous. Je vous conseille d'épouser un pasteur, Mary. »« Je n'y manquerai pas. quand vous épouserez un médecin. Rien au monde ne me ferait plus de plaisir, dit Miss Auriel en se levant et en faisant au docteur une profonde révérence. Mais ce matin, je ne me sens pas préparée à l'émotion d'une demande en mariage. Ainsi donc, je me sauve. Et elle s'en alla. Le docteur monta un autre cheval et partit pour Silverbridge malgré sa lassitude. Elle est heureuse maintenant, se dit-il, chemin faisant. Chacun la traite comme son égale à Greshamsbury, bien qu'elle ne soit pas la cousine des Thorne d'Ullathorne. Elle a su se faire une place dans la société et elle l'occupe dignement. Miss Auriel est riche, elle appartient à une famille distinguée, elle est belle, tout le monde la recherche, et cependant elle ne dédaigne pas Mary. Elles sont amies. Mais qu'arriverait-il si elle allait à Boxall Hill, même comme la nièce reconnue de l'homme riche? Patience Auriel et Béatrice Gresham iraient-elles la voir? Y seraient-elles aussi heureuses que chez moi, malgré ma pauvreté? Passer un mois avec Lady Scatcherd, se plier aux caprices de Sir Roger, dépendre de lui, lui appartenir en un mot, elle serait morte au bout du premier mois. Puis, pressant l'allure de son cheval, le docteur arriva à Silverbridge, trouva le docteur Century au chevet de la vieille malade, et après avoir donné son avis et signé une ordonnance, s'en retourna à Greshamsbury. Vous devez être mort de fatigue, mon oncle, lui dit Mary pendant qu'elle lui versait son thé et qu'elle préparait tout pour le plus confortable des repas, le dîner, le souper et le thé réunis. Je voudrais que Silverbridge fût à 50 000 d'ici. Cela rendrait la course un peu plus pénible, et voilà tout. Mais je ne suis pas encore mort, et qui mieux est, ma malade ne l'est pas encore non plus. Le docteur avala un grand bol de thé bouillant qui contenait près d'une pinte. Mary, sans manifester la moindre surprise de cet exploit, remplit de nouveau le bol, et le docteur se mit à tourner sa cuillère dans son thé sans se douter seulement que sa tasse eût été remplie deux fois. Lorsque le bruit des couteaux et des fourchettes eut cessé, le docteur se tourna vers la cheminée, croisa les jambes, joignit les mains sur son genou et regarda avec complaisance son troisième bol de thé qui restait intact près de lui. Tout avait été enlevé de dessus la table, à l'exception de la précieuse théière et du pot à crème. « Mary, dit-il enfin, supposons que, par quelque événement imprévu, vous vous trouviez demain matin appelé à faire un riche héritage. Seriez-vous capable de modérer votre joie ?» La première chose que je ferais serait d'interdire complètement vos visites à Silverbridge, à moins qu'on ne vous eût averti la veille. Et ensuite, que feriez-vous? Ensuite, je ferais venir de Paris un chapeau tout pareil à celui de Patience Auriel. L'avez-vous remarqué? Non, les chapeaux sont invisibles maintenant. D'ailleurs, je ne remarque jamais la toilette d'une femme, excepté la vôtre. Eh bien, regardez le chapeau de Miss Auriel la première fois que vous la verrez. Je ne sais pas comment cela se fait, mais je suis sûr qu'il n'y a pas de doigts anglais qui puissent tourner un chapeau comme celui-là, pas même de doigts français en Angleterre qui puissent en confectionner un pareil. « Mais vous ne tenez pas à ce point au chapeau, Mary, » dit le docteur en donnant à cette espèce d'assertion un ton quelque peu interrogatif. « Au contraire, mon oncle, j'y tiens beaucoup, surtout depuis que j'ai vu celui de Patience. Je lui en ai demandé le prix. Devinez combien il coûte. Je ne sais pas, une livre sterling ?» « Une livre sterling, mon oncle !»« Comment beaucoup plus ? Deux livres ?»« Mon oncle ! Comment plus de deux livres ? Alors je trouve que Patience Auriel, toute riche qu'elle est, ne devrait pas mettre tant d'argent à un chapeau. »« Non, certes, elle ne le voudrait pas non plus. Il coûte 100 francs. »« Oh, 100 francs, cela fait 4 livres. Et combien a coûté votre dernier chapeau ?»« Le mien, oh, presque rien, 6 shillings tout au plus. Mais aussi je l'ai garni moi-même. » Si je faisais un grand héritage, j'irais dès demain acheter un chapeau à Paris et je vous obligerais à venir le choisir avec moi. » Le docteur resta quelques instants silencieux, occupé à réfléchir. Pendant ce temps, il avala son thé sans s'en douter et ne s'aperçut même pas que sa nièce lui remplissait encore sa tasse. « Voyons, Mary, dit-il, je suis en veine d'être généreux et, comme je suis plus riche qu'à l'ordinaire, nous allons faire venir un chapeau de Paris. Quant à y aller nous-mêmes, il nous faudra, je crains, attendre encore un peu. Vous plaisantez, mon oncle? Non, en vérité, si vous savez comment vous y prendre, ce qui, je l'avoue, m'embarrasserait fort, et que vous vous chargiez de le faire venir, je me chargerais, moi, de le payer, et vous aurez un chapeau de Paris. » « Mon oncle ?» dit Mary en le regardant fixement. « Mais je ne plaisante pas, je vous dois un cadeau et je vous ferai celui-là. » « Et si vous le faites, je vais vous dire ce que je ferai moi. Je le couperai par petits morceaux et je le brûlerai devant vous. Pour qui me prenez-vous, mon oncle ? Vous n'êtes pas du tout gentil ce soir. » Puis, faisant le tour de la table, elle vint s'asseoir sur un tabouret au pied de son oncle. « Quoi ? Parce que j'ai dit que si j'étais riche, je m'achèterais un chapeau de Paris, est-ce une raison pour croire que j'en voudrais un maintenant ? Si vous dépensiez 4 livres pour moi, le chapeau me brûlerait la tête toutes les fois que je le mettrais. » « Je ne vois pas pourquoi. 4 livres sterling ne me ruineraient pas. Cependant, je dois dire que cela ne vous rendrait pas plus joli que vous l'êtes. Et je serais désolé de voir ces grandes boucles brûler, » dit le docteur en jouant avec les cheveux de Mary. « Patience, un phaéton, et j'en aurais un si j'étais riche. Je ferais relier mes livres comme les siens, et peut-être donnerais-je 50 guinées pour un nécessaire de toilette. » « 50 guinées ? Patience ne me l'a pas dit, mais Béatrice le pense. Je l'ai vu, c'est un ravissant nécessaire. Je crois même que je l'aimerais mieux que le chapeau. Mais, mon oncle, eh bien, vous ne croyez pas que je désire ces objets ? Je suis bien sûr, Mary, que vous ne les désirez pas d'une manière déraisonnable. Raisonnable ou déraisonnable, je n'en voudrais ni d'une manière ni de l'autre. Je désire bien des choses, mais pas des choses de ce genre. Vous le savez, mon oncle, ou vous devriez le savoir. Pourquoi avez-vous parlé de m'acheter un chapeau de Paris ? Mais au lieu de répondre, le docteur se mit à réfléchir. Après tout, l'argent est une belle chose, dit-il enfin. Oui, dit Mary, quand il est honorablement acquis, quand ce n'est pas au détriment du cœur ou de la conscience. Je serais bien plus heureux si votre sort était assuré comme celui de Miss Auriel. Supposons que je puisse vous donner un homme riche qui vous mit à l'abri de tous les besoins. Qui me mit à l'abri de tous les besoins ? Ah, cela serait bien beau. Ce serait me vendre, n'est-ce pas, mon oncle ? Oui, me vendre. Et le prix que vous en retireriez serait d'être délivré de toute appréhension sur mon compte. Ce serait un marché bien honteux que vous feriez là. Et moi, j'en serais la victime ? Non, mon oncle. Il faut vous résigner à pourvoir vous-même à mon sort. Nous naviguons dans la même barque. Vous ne voudriez pas me jeter à l'eau. Mais si je venais à mourir, que deviendriez-vous ? Et si je mourais moi, que deviendriez-vous ? L'union n'était pas le plus grand des biens. Ne dépendons-nous pas les uns des autres ? Les malheurs peuvent survenir, sans aucun doute. Mais c'est une lâcheté que de s'en effrayer à l'avance. Vous et moi, nous sommes liés l'un à l'autre, mon oncle. Et quoi que vous disiez tout cela pour me tourmenter, je sais bien que vous ne voudriez pas vous débarrasser de moi. Bien, bien. Nous réussirons, après tout, d'une manière ou de l'autre, je n'en doute pas. Réussir, assurément, qui peut en douter ? Mais, mon oncle ? Mais, Marie ? Eh bien, avez-vous encore une tasse de thé ? Oh, mon oncle, vous en avez pris 5. Non, ma chère enfant, seulement 4, je vous assure. J'ai eu soin de les compter, j'en ai pris une pendant que... 5. Mon oncle, 5, je puis vous l'affirmer. Eh bien, comme je déteste le préjugé qui attribue une bonne chance aux nombres impairs, j'en prendrai une 6e, pour vous prouver que je ne suis pas superstitieux. Pendant que Mary lui préparait sa 6e tasse de thé, on frappa à la porte d'entrée. Mary détestait ces messages du soir. Ils étaient ordinairement pour son oncle les précurseurs de longues courses nocturnes à travers des chemins obscurs. Le docteur avait été en selle toute la journée, et lorsque Jeannette apporta la lettre, Mary se leva comme pour le défendre d'une autre invasion contre son repos. « C'est une lettre du château, mademoiselle, » dit Jeannette. « Du château ? J'espère qu'il n'y a personne de malade, » dit le docteur en prenant la lettre des mains de Mary. « Ah oui, c'est du Squire. Tout le monde se porte bien. Attendez un instant, Jeannette, je vais écrire un mot. « Prêtez-moi votre pupitre, Mary. » Le squire, qui, comme à l'ordinaire, avait besoin d'argent, avait écrit au docteur pour savoir s'il avait réussi à négocier un nouvel emprunt auprès de Sir Roger. Mais comme, pendant sa visite au baronnet, il lui avait été impossible d'amener cette question sur le tapis, le docteur avait quitté Boxall Hill sans avoir fait la moindre allusion à cette affaire. Il faudra que j'y retourne, de toute façon, se dit-il. Il écrivit donc au squire qu'il se rendrait à Boxall Hill le lendemain matin et qu'à son retour il passerait chez lui. « Voilà du moins qui est arrangé, » dit-il. « Qu'est-ce qui est arrangé ?» demanda Mary. « Il faut que je retourne demain à Boxall Hill et que j'y sois de bonne heure. Ainsi, allons-nous coucher. Dites à Jeannette de me servir mon déjeuner à 7h30. Vous ne pourriez pas m'emmener avec vous. J'aimerais tant à voir ce Sir Roger. » « Voir Sir Roger, mais il est au lit. Je conviens que c'est un obstacle. Mais un jour, quand il sera guéri, ne pourriez-vous pas m'emmener ? J'ai le plus vif désir de le voir. Un homme qui a commencé avec rien et qui est maintenant assez riche pour pouvoir acheter toute la commune de Greshamsbury. Je ne crois pas qu'il vous plairait. Et pourquoi pas ? Je suis presque sûr que je l'aimerais beaucoup, ainsi que Lady Scatcherd. Je vous ai entendu dire que c'était une excellente femme. » « Oui, dans son genre. Lui aussi est un brave homme, mais c'est un genre qui ne vous irait pas du tout. Ils sont très vulgaires. Oh, cela m'est égal. Ce n'en serait que plus amusant. On ne va pas chercher des manières distinguées chez des gens de cette espèce. Je ne crois pas que vous trouveriez leur société bien agréable, » dit le docteur en prenant son bougeoir. Et embrassant sa nièce au front, il monta dans sa chambre.